Le projet controversé de mine d'or à Malartic en Abitibi-Témiscamingue ira de l'avant. Québec autorise la corporation minière Osisko à entamer les travaux en vue de l'extraction à ciel ouvert du métal précieux. La compagnie devra toutefois respecter certaines normes environnementales. Les explications de Sandra Ataman. Le feu vert au projet de mine à ciel ouvert a été donné dans la nouvelle école primaire de Malartic, construite par Osisko. Le maire André Vézeau a tenu à remercier ses citoyens, surtout ceux du quartier relocalisé. La population, depuis 4 ans, elle endure tout ce qui se passe, que ce soit les forages, les déménagements, les poussières. Et ça nous prenait l'appui et l'accord de la population pour se rendre là. Le projet de la corporation minière Osisko a suscité de nombreux débats dans la population, particulièrement parce que l'entreprise a déménagé près de 200 maisons et 5 institutions pour sa future fosse d'une superficie de 135 hectares. Osisko devra toutefois respecter plusieurs conditions. Elle aura notamment à limiter les impacts du projet sur la population en ce qui concerne le bruit, la poussière et les vibrations. Le ministre responsable des ressources naturelles, Serge Simard. Au moment où on se parle, je suis obligé de dire que Osisko s'adapte à la nouvelle vision du développement durable que la nouvelle stratégie minérale va mettre en place très rapidement avec la nouvelle loi. Le projet va créer près de 500 emplois durant 14 ans. Les travaux de construction vont s'échelonner sur une période de 18 mois et la mise en service de l'usine est prévue pour 2011. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic. Le gouvernement du Québec coupe les vivres à un projet de